vieillir avec son cœur, sans remords, sans regrets, sans regarder l'heure. Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur, car à chaque âge se rattache un bonheur. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps, le garder sans dedans, beau en dehors. Ne jamais abdiquer devant un effort, l'âge n'a rien à voir avec la mort. Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce à ceux qui se sentent perdus dans la brousse, qui ne croient plus que la vie peut être douce et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse. Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement, de ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan. Être fier, avoir les cheveux blancs, car pour être heureux, on a encore le temps. Je veux vieillir avec toi. Je veux vieillir avec toi. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour, savoir donner sans rien attendre en retour. Car où que l'on soit, à l'aube du jour, il y a quelqu'un à qui dire bonjour. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir, être content de soi en se couchant le soir. Et lorsque viendra le point de nous recevoir, se dire qu'au fond, ce n'est qu'à nous revoir. Je veux vieillir avec toi. Je veux vieillir avec toi. Je veux vieillir avec toi. Je veux vieillir avec toi. Je veux.